Eiderskill marche sans ombre. Ses pas effacent les anciens noms. Le sable murmure ses secrets et les voix cachées reprennent l'hymne. Tout est poussière sauf la foi. Tout est silence sauf sa voix. Sorry.